Thank you. Réfléchissez bien, je ne peux accepter qu'une réponse pour 3000 francs. Non ! Mettez-vous bien d'accord, je vous en supplie. Une réponse. Une réponse. Non ! Le cola. Interservice, 2000 tabacs jour, 8h20 et 19h50. Non ! Travailleurs immigrés marocains, c'était le retour au pays.